Cartographie des mémoires à Handaï. Bonjour et bienvenue dans le quartier de la gare à Handaï. Tu te trouves sur le parvis. Tu le sais, c'est une promenade. Sur le chemin, je vais te donner des indications. Alors là, normalement, en face de toi... Quand tu commenceras à marcher, tu vas entendre mes pas. Essaye de bien caler les tiens sur les miens parce qu'ils te donneront le rythme de cette promenade. Tout va bien? Alors on peut commencer. Ici, c'est le point névralgique du quartier. Et pourtant, comme tout quartier de gare, c'est un endroit où on ne s'arrête que rarement. Un lieu de transit et de passage. C'est un endroit qu'on traverse à pied, à vélo ou en voiture. Regarde autour de toi. À ton avis, qui habite le quartier? Qui ne fait que passer? Qui attend quelqu'un? Et si la saison se prête au tourisme, est-ce que tu les reconnais? Maintenant, regarde les voitures qui passent sur le boulevard. À ton avis, qui va se promener? Qui va travailler? Tu vois le panneau avec une grande carte juste devant la gare? Tu vas aller te placer juste devant. Toi, tu es ici, le petit point rouge. Si je devais parler d'Handaï à des gens que je ne connais pas, je leur parlerais de la baie du Tchingoudi, du fronton Gastelou-Sahar et de la plage. Ce que je garderais pour moi, c'est les après-midi à la piscine municipale, les manèges de la Bichincho et cette route que j'ai parcourue tant de fois. C'est une route qui n'a rien d'extraordinaire pour les gens qui ne la connaissent pas, mais pour moi, mes amis et les Handaïens en général, elle est chargée de souvenirs, de rencontres et d'au revoir. Mais que deviennent les souvenirs quand le temps efface les images et raye les lieux sur les cartes? La source qui coule sous les bâtiments en face de toi, le mur à gauche du fronton de Louis Cito, l'inscription « Change de monnaie » en haut de l'immeuble à droite de Casa José. L'histoire, tu vois, tu peux aussi la trouver sur les murs des maisons. Tourne-toi. À cet endroit où tu te trouves, Zoé mettait fin systématiquement à toutes ces histoires d'amour. Si je devais me séparer, ce serait devant la gare, je me sépare et hop, je prends le train. Au contraire de Zoé, j'avais du mal à cohabiter avec moi-même. Et avec le recul, je comprends que je me posais beaucoup trop de questions. S'il y avait une personne qui m'attirait, je vivais notre relation imaginaire le soir dans l'intimité de ma chambre. Et dès que je sentais qu'elle pouvait potentiellement s'intéresser à moi, cette personne, je paniquais et j'envoyais des signaux de sens interdit. Il y a quelque temps, je suis venue à la gare pour attendre Zoé et sa mère Ainhoa. Ainhoa avait atterri par avion à Paris, Zoé était allée la chercher et elles en avaient profité pour passer quelques jours à la capitale. Zoé, quand elle passait de longues périodes à Handaï, elle se plaignait que les grandes villes lui manquaient, que ça ne bougeait pas assez, qu'elle était contente de partir. Mais au bout de quelques jours, les montagnes, le calme et la rivière lui manquaient. Handaï lui manquait. Bon, ce jour-là, le train avait du retard, j'avais une bonne demi-heure d'attente devant moi et j'en ai profité pour marcher. Toi aussi, tu vas commencer à marcher. Est-ce que tu vois l'entrée de Louche-Cotraine en face de toi? À gauche, il y a une rue qui monte. C'est le boulevard du Général de Gaulle. Eh bien, tu vas te diriger par là. La mère de Zoé, Ainhoa, était originaire d'Handaï. Elle avait grandi avec ses grands-parents à l'ancienne ferme Nekatioenea. Après le bac, elle était partie aux États-Unis sur les traces de l'histoire de ses parents et s'était installée là-bas. Tous les ans, Ainhoa revenait à Handaï rendre visite à ses grands-parents. toute seule, puis avec son mari et sa fille, Zoé. J'avais rencontré Zoé sur la plage un été et nous étions devenus rapidement amies. Elle avait d'abord été une amie de vacances, et puis à la fin d'un été, elle n'était pas repartie avec ses parents. Elle avait envie de découvrir à quoi pouvait ressembler sa vie ici et si elle pouvait survivre à Hendaye en hiver. Elle avait appris à apprivoiser la pluie, perfectionner son basque et s'était mis à parler un mélange de Tchingoudi comme tous les gens d'ici. Elle était photographe. Le métier de Zoé la faisait voyager beaucoup, mais pour rien au monde, elle aurait manqué d'être à Hendaye pour le jour de l'anniversaire. Toujours régulière. Ces choses qui ne changent jamais, comme les horaires du topo qui conduisent à Donosti. Tout comme les oiseaux migrateurs qui trouvent refuge dans la baie, Zoé revenait toujours à Hendaye. Tu vois, monter cette rue pour moi, c'est toujours refaire un peu le chemin à l'envers. Comme beaucoup d'habitants d'Hendaye, ma famille a des liens avec l'autre côté. Beaucoup d'entre eux ont quitté les villes et les villages derrière les montagnes que tu vois sur ta droite et sont arrivés à Hendaye par cette route ou par les rails de train de Madrid ou du Portugal. Un quartier, tu sais, a une identité. Il fournit des repères et des voisins à ceux qui y vivent. Ici, tout le monde se connaît, pour le meilleur et pour le pire. Ces maisons que tu vois, ce ne sont pas seulement des murs. C'est un endroit qui a besoin d'être habité. Un endroit qu'on a besoin de connaître par cœur, où il y a une rangée de manteaux, et quand on ouvre la porte, quelqu'un vous appelle du salon. Ces maisons, ce sont aussi des voisins avec lesquels on vit. Ici, chaque maison a son histoire et chaque histoire a sa maison. Alors là, tu vas voir le panneau Irun ou autre direction. Et nous, on va continuer tout droit vers le pont en face de toi. Ma famille aussi avait dû choisir où aller. Nous portons une trace des lieux, tout comme les lieux portent une trace de nous. Mais parfois, le temps et les souvenirs s'infiltrent et transparaissent sur les visages des gens comme sur les façades des maisons. Et si on essaye de les effacer ou de les gommer, il reste toujours des traces. Je ne sais pas si le jour où tu viendras, tu auras la chance d'observer le vol des oiseaux migrateurs. Ma famille, comme d'autres, partage des similitudes avec les oiseaux. Il est important de savoir qu'il n'y a pas seulement les oiseaux qui cherchent des cieux plus cléments. Résidents permanents, résidents d'été, résidents d'hiver ou en transit. Plusieurs facteurs influencent le choix d'une destination lors de grandes migrations. La situation climatique et la recherche de nourriture. En été, les oiseaux d'Europe du Nord reviennent d'Espagne, du Portugal et d'Afrique. Ils viennent se réfugier ici pour quelque temps, le temps de se reposer. Contrairement à la croyance, les oiseaux ne migrent pas par peur du froid, mais par appréhension du manque de nourriture. Tout comme eux, ma famille avait dû se réfugier de ce côté de la Bidassoa. En 1937, il y avait la guerre, la famine et c'était pas la joie. Dans la famille, on était républicains. Les troupes de Franco avançaient et il fallait s'en aller, vite. Passer de l'autre côté et tout abandonner. La maison, la famille, les amis. Ils ont traversé le pont au-dessus de la Bidassoa en courant sous les tirs de roquettes du général Mola. Et la première fois qu'ils ont marché dans cette rue, leurs pensées ressemblaient à un enchevêtrement de rails. Leurs idées, leurs racines étaient restées incrustées là-bas, derrière les montagnes et la chapelle de Guadalupe. En quoi le sol peut-il être si différent? C'est la même langue, les mêmes gens, et pourtant tout leur semblait plus différent. La joie, ils l'ont retrouvée, mais ça a pris du temps. Ils ont planté des plantes sur les balcons, observé les fleurs pousser pour chasser la nostalgie de leur cœur. Et au jardin d'Arcadie, aujourd'hui, ma grand-mère Janine continue de dire « Je suis espagnole d'origine, française d'adoption et basque de cœur. Tu vois, moi, j'ai 3 pays. Je suis plus riche que toi. Alors maintenant, tu dois être arrivé à la place Marichu Anatole. Et juste derrière l'ancien poste frontière, il y a un arbre. Regarde le tronc attentivement. Les gens et les plantes ont en commun le cours de l'existence. Germination, croissance, maturité, vieillissement et mort. Certaines plantes peuvent réchapper d'un cataclysme et pousser à nouveau. Lorsqu'un arbre vieillit ou a subi des accidents dans sa vie, il est fréquent d'apercevoir des trous plus ou moins grands se former dans son tronc. Cet endroit devient alors une surface vulnérable aux agressions extérieures, comme le gel, la pluie, la neige, le vent ou la chaleur. Avant, on rebouchait les trous dans l'écorce des arbres à l'aide de béton, mais le béton est rigide, tandis que l'arbre est par définition souple et vivant, ce qui avait pour effet d'agrandir encore la blessure. D'autres fixèrent des plaques de métal ou de bois pour boucher l'entrée du trou de certains vieux arbres sans plus de succès. C'est un fait. Nous avons parfois la capacité de couler du béton sur des blessures béantes, à y emmurer la parole et les larmes. Sais-tu ce que ça fait de porter une blessure qui ne guérit jamais? Ces endroits du cœur ou du paysage où le passé reste une blessure pour le présent? Cet arbre, tu vois, il est un peu comme ma famille. Parler de l'endroit que mes grands-parents avaient quitté, c'était essayer de colmater la blessure silencieuse que la guerre avait infligée. Écouter pour moi, c'était aussi leur faire savoir que je m'intéressais à leur histoire. Arrivés à Hendaye, certains avaient voulu faire table rase du passé et construire des murs pour emmurer la blessure. En réalité, des fragments de l'autre côté n'en finissaient pas de surgir. À travers les 3 langues qui s'infiltraient dans les conversations, à travers les géraniums qu'on plantait sur les balcons et des odeurs qui s'échappaient de la fenêtre des cuisines. Tu vas continuer à avancer sur le pont et tu es peut-être déjà en train de traverser la frontière. Passer une frontière est toujours quelque chose d'un peu émouvant. Une limite imaginaire, matérialisée par un pont comme celui où tu marches ou par la rivière qui coule sous tes pieds. Si tu envisages le paysage devant toi à l'échelle du temps profond, les choses qui semblent inertes reprennent vie. Le monde redevient éclatant et coloré, l'eau respire, la roche palpite et les montagnes sont agitées de flux. La terre où nous vivons est en perpétuel mouvement. Essaye de quitter des éléments au paysage. Commence par les voitures, les routes, les immeubles. Essaye de continuer jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la nature et le sauvage. Le temps profond, c'est la chronologie de ce qui se trouve dans les remous de la Bidassoa. À travers les siècles, tu vois, les gens ont évolué autour de ce paysage. La Bidassoa coule ici depuis très longtemps et a été une rivière nourricière. Tu peux y trouver du saumon, des dorades, des anguilles, des pivales. Dans les fonds de la baie devant laquelle tu te trouves, on entend le topo et les trains qui passent. Il y a des morceaux de chaloupe qui servaient à chasser la baleine. Elles étaient semblables aux coques des bateaux vikings. La Bidassoa est aussi appelée la rivière des vikings. Toujours dans les profondeurs de la Bidassoa gisent des sculptures de l'époque romaine. Et si tu descends à la baie à marée basse, tu en trouveras peut-être. Près de Tribord, on a retrouvé des os de cétacés et des outils qui servaient à trancher les baleines. Ce qui se trouve enfoui dans la baie nous parle aussi du passé. Héraclite, un philosophe grec, assimile le temps à une rivière qui coule au sens où l'on ne peut pas se baigner deux fois dans la même rivière, justement parce qu'elle coule, mais aussi parce que quelque chose change en nous à tout instant. Et cette chose, c'est le temps. Car à tout instant, nous vieillissons, nous nous enrichissons d'un vécu et d'une expérience plus vaste, ou au contraire, nous oublions une partie de notre vécu antérieur. En tout cas, nous changeons. Tout comme l'eau de cette baie. Tu savais que le paysage sous l'eau changeait à chaque tempête, à chaque marée? Il change, et pourtant son essence reste la même. Aimer une personne ou un lieu, c'est en prendre soin. Vouloir connaître ses secrets, se réjouir de son bonheur. Je suis la rivière et la rivière coule aussi en moi. Chaque recoin du paysage me parle de mes ancêtres. Et pourtant, le temps va modifier les contours de ce paysage. Rien ne ressemblera à ce qu'il était. Les paysages que nous sommes en train de façonner se meurront à leur tour en strates souterraines. Quelle sera l'histoire des choses à venir? Quels seront nos futurs fossiles? Le passé nous hante. Il occupe notre espace, non tant sous forme de strates que sous forme de sédiments, comme ceux qui hantent la baie de la Bidassoa. C'est nous qui hantons le passé. Nous sommes son fantôme. Tu viens d'écouter un des 5 épisodes de Cartographie des mémoires à Handaï et je t'en remercie. Si tu souhaites en découvrir un peu plus sur Handaï et cette histoire, je t'invite à aller écouter les autres épisodes. Ils se déroulent dans 5 quartiers différents d'Handaï et tu peux les écouter dans l'ordre de ton choix. À bientôt peut-être.